se souvient de Noé dans l'arche. Et ton vent souffle sur les eaux. Les flots se retirent lentement. La vie recommence à chercher le haut. La colombe s'envole une première fois, revient sans repos dans les ailes, puis elle rapporte enfin le rameau, comme un serment venu du ciel. Même après la colère, ta bonté prépare toujours l'aurore. Après la tempête, tu fais refleurir la terre. Après les nuits, tu ouvres un matin. Quand tout semblait perdu sous la mer, tu rappelles la vie du fond de tes mains. Après la tempête, tu restes fidèle. Ton alliance traverse les saisons. Et même quand le monde a disparu, ton amour redonne un horizon. Noé sort de l'arche en silence et bâtit un autel devant toi. La première réponse à la survie devient l'adoration par la foi. Et tu respires l'odeur du sacrifice comme un parfum d'espérance levé. Tu promets de ne plus frapper la terre comme au jour du jugement passé. Après la tempête, tu fais refleurir la terre. Après les nuits, tu ouvres un matin. Semblait perdu sous la mer, tu rappelles la vie du fond de tes mains. Mm-hmm.